Le quotidien de Don Simun, daté du 27 juillet, a présenté le commentaire militaire, titré « La Corée de Sungun brillante à jamais avec le 27 juillet ». Les États-Unis et la Corée du Sud ont livré les comédies infantiles pour faire de leur défaite dans la guerre la victoire, contrairement au mythe de la victoire dans la guerre de nos militaires et civils. Dans les chapitres 1, le mythe de la victoire dans la guerre, duel entre le fusil et la bombe atomique. 2. Le grand miracle de l'histoire, changement de la structure de confrontation Corée-États-Unis. Et 3. Le deuxième 27 juillet, ruine finale américaine. Le commentateur dénonce en détail qui est le vainqueur et le vaincu. Si le 27 juillet des années 1950 a laissé comme témoignage de l'histoire montrant l'issue de la guerre, la salle de signature de l'accord d'armistice à Panmunjom de 980 mètres carrés, le deuxième 27 juillet de nos militaires et civils dans la guerre sacrée finale anti-américaine, offrera comme musée montrant le vainqueur et le vaincu décisif dans le duel coréen-américain l'ensemble du territoire américain qui s'étend sur 9 383 123 km². La seule issue pour les États-Unis, c'est de retirer l'anachronique politique d'hostilité envers la Corée et de présenter le plus tôt possible les excuses devant nos militaires et civils.